classer le rap français, je vais sûrement pas me surpasser. T'aspect, j'ai pas besoin d'Ivory pour faire ma tube maths B. Moi, je suis ambitieux sous tous les aspects. J'avance et j'avance et j'avance avec respect pour ceux qui bourrent pour avancer. Je vous déco des mecs pour que tu me connaisses. J'attendrai pas que tu me découvres. J'avance tellement vite, le monde est en perte de vitesse. Moi, j'rapperai pendant qu'il y en a qui bougent leur paire de petites fesses. En plus, je pars de pas grand chose. J'apprends, j'écris des pages en prose. Ne parle pas quand je cause, comme tout le monde, j'ai commencé. Par la maternelle, avancer malgré mes relations conflictuelles avec le paternel. Je prends pas ce genre d'excuses, c'est pas mon style normal. J'ai la puissance de tir balistique d'un missile. J'assimile à peu près tout ce que tu me donnes. Pour m'arrêter, faudra bien plus que tu cognes. Je suis en grande forme, je rappe non conforme. Par définition, il serait temps que les Français découvrent le sens du mot ambition. Je donne des frissons, mes écrits sont reflets des visions. Nos vies sont ce qu'elles sont, mais nos actes les font. J'avance, c'est pas qu'un morceau, c'est une manière de vivre. Y'en a qui pourraient faire des trucs de ouf, mais qui préfèrent subir. Qu'est-ce que tu me dis, le rap ça rapporte pas? Bah moi, j'étudie, j'illumine le rap de ma lumière. Là, je crois que j'ai tout dit. J'avance dans ce monde qui m'entoure mais qui m'étrouble. J'avance et toi aussi, je suis motivé, pardon si je double. J'avance et comprends bien que j'ai pas l'intention de m'arrêter. J'avance dans une sphère où tout devient trop compliqué. L'avenir est flou quand je le match, je chope des troubles à la vision. Souvent je rêve d'aller plus vite, mais je ne fais que perdre la raison. Alors j'avance tout doucement, je regarde pas, c'est les saisons. Insatisfait, mais refait, car ni à l'hosto ni en prison. J'ai dit juste ambitieux, à 17 ans en infiltration. Dans un bahut des plus cotés de toute la région. À 80% les élèves étaient tous des fils de patrons. Avec le recul ça me tue quand je vois ces qui demain nous dirigeront. J'avais dû bosser dur pour être admis dans ce lycée de dingue, mais ma procédure d'intégration fut refusée par les baldringues. On m'a mis des bâtons mais je roule encore avec du style et du rap. Malgré l'hôpital je n'ai pas perdu ma puissance de frappe. En effet je suis puissant au micro dangereux mais isolé. Vous n'aimez pas mes phases, je n'en suis pas désolé. Malgré tous ces facteurs de décadence, la tête est haute, j'avance. Que tu dises, que tu penses, perso je m'en balance. C'est vrai j'avance, mais je sais même pas encore vers quoi. Je taffe comme un dingue à l'école, je sais même pas encore pourquoi. Est-ce que je vivrai seul ou en couple avec des gosses? Est-ce que je prendrai un jour sa putain de place au boss? Ça vrai la tête de mon compte en banque, à vrai dire, je m'en fous. Je veux juste vivre, ensuite rester en paix, et puis c'est tout. Mais je démarre, ça y est, je pars, et j'ai pas d'aide dès le départ. Je traque même des fois, car je sais que la mort ne sera jamais en retard. De toute façon, si je m'arrête, si je me tue, je fais plaisir à Chétan. Alors je continue, même si j'ai l'air d'un blanc perdu dans la savane. Je fonce, je défonce, ça tu le sais bien, c'est mon blaze. J'avance dans le rap, même si tu me trouves vraiment tout naze. J'avance dans ce monde qui m'entoure, mais qui m'étrouble. J'avance et toi aussi, je suis motivé, pardon si je double. J'avance et comprends bien que j'ai pas l'intention de m'arrêter. J'avance dans une sphère où tout devient trop compliqué. L'avenir est flou quand je le match, je chope des troubles à la vision. Souvent je rêve d'aller plus vite, mais je ne fais que perdre la raison. Alors j'avance tout doucement, je regarde pas, c'est les saisons. Insatisfait, mais refait, car ni à l'hosto ni en prison.